Les grandes légendes de France, écrit par Édouard Churet, lu par Armen pour audiocité.net. Les légendes de l'Alsace, la Grande Chartreuse, le Mont-Saint-Michel et son histoire, les légendes de la Bretagne et le génie celtique. Premier chapitre, l'âme celtique. Si je me demande ce qu'a été pour moi ce livre qui va des sommets des Vosges aux Landes de Bretagne et jusqu'à la pointe extrême du Finistère, si j'essaie de comprendre à quelle voix intérieure, à quelle volonté latente j'ai obéi en l'écrivant, je m'aperçois qu'un but mystérieux en a déterminé à mon insu les étapes successives. Ce livre a été un voyage à la découverte de l'âme celtique. L'âme celtique est l'âme intérieure et profonde de la France. C'est d'elle que viennent les impulsions élémentaires comme les hautes inspirations du peuple français. Impressionnable, vibrante, impétueuse, elle court aux extrêmes et a besoin d'être dominée pour trouver son équilibre. Livrée à l'instinct, elle sera la colère, la révolte, l'anarchie. Ramenée à son essence supérieure, elle s'appellera intuition, sympathie, humanité. Druidesse passionnée ou voyante sublime, l'âme celtique est dans notre histoire la glorieuse vaincue qui toujours rebondit de ses défaites, la grande dormeuse qui toujours ressuscite de ses sommeils séculaires. Écrasée par le génie latin, opprimée par la puissance franque, criblée d'ironie par l'esprit gaulois, l'antique prophétesse n'en ressort pas moins d'âge en âge de sa forêt épaisse. Elle reparaît jeune toujours et couronnée de rameaux verts. Ses plus profondes léthargies annoncent ses plus éclatants réveils. Car l'âme est la partie divine, le foyer inspirateur de l'homme, et comme les hommes, les peuples ont une âme. Qu'elle s'obscurcisse et s'éteigne, le peuple dégénère et meurt. Qu'elle s'allume et brille de toute sa lumière, et il accomplira sa mission dans le monde. Or, pour qu'un homme ou un peuple remplisse toute sa mission, il faut que son âme arrive à la plénitude de sa conscience, à l'entière possession d'elle-même. Voilà ce qui n'est pas encore advenu, mais ce qui se prépare pour l'âme celtique de la France. La Bretagne est son vieux sanctuaire, mais elle vit, elle palpite sur toute l'étendue de notre sol et dans toutes les périodes de notre histoire, depuis la guerre des Gaules jusqu'à la guerre de Cent Ans, et de celle-ci à la Révolution française. Et aujourd'hui, elle est prête à dire au monde son secret. Elle n'a cessé de parler par les héros, les poètes et les penseurs de la France. Je l'ai cherchée ici, à sa source, dans quelques-unes de nos vieilles légendes et dans les paysages qui furent leur berceau. La légende, rêve lucide de l'âme d'un peuple, est sa manifestation directe, sa révélation vivante. Comme une double conscience plus profonde, elle reflète l'avenir dans le passé. Des figures merveilleuses apparaissent dans son miroir magique et parlent de ces vérités qui sont au-dessus des temps. Si les destinées de la race germanique sont écrites dans l'Edda, la mission du génie celtique brille dans les triades des bardes. Elle se personnifie dans les grandes légendes de Saint Patrice, de Merlin l'Enchanteur et du mage Taliesin. Mais souvent les fils oublieux ne se souviennent plus de leurs ancêtres. J'ai tenté de faire revivre ces premiers prophètes de notre race qui savaient le passé et voyaient l'avenir parce qu'ils vivaient dans l'éternel présent. Ô âme celtique, toi qui dors au cœur de la France et qui veilles au-dessus d'elle, j'aurais voulu faire vibrer toutes les cordes de ta harpe mélodieuse et je n'ai pu qu'en tirer quelques notes éparses. Mais si tout livre n'est par lui-même qu'un verbe imparfait, puisses-tu, âme tendre et puissante, connaître un jour tes plus intimes profondeurs et tes plus vastes harmonies. Alors, oubliant tes longs deuils et tes égarements, ta parole ne sera plus une lettre morte, mais une parole de vie, et tu diras, avec la voix de l'âme, aux nations sœurs, ton verbe d'amour, de justice et de fraternité. En adoptant pour ce livre le titre de Grande Légende de France, j'ai la conscience de n'avoir fait que peu de pas dans un vaste domaine. Jusqu'à présent, la légende n'a été guère chez nous qu'un objet d'érudition ou de fantaisie. Son importance au point de vue de la philosophie, de l'histoire et de la psychologie intime ou transcendante n'a pas encore été mise en lumière. Le romantisme avait traité les légendes comme de simples thèmes à imagination. On a compris depuis qu'elles sont la poésie même en ce qu'elle a de plus subtil, se manifestant dans un état d'âme intuitif que nous appelons inconscient et qui ressemble parfois à une conscience supérieure. Replacer la légende en son cadre pittoresque et sur son terrain historique m'a semblé la meilleure manière d'en épanouir la fleur, d'en exprimer tout le suc et tout le parfum. Par les grandes légendes de France, je voudrais qu'on entende celles qui, dépassant l'intérêt local, ont quelque rapport avec le développement national de la France et prennent une valeur symbolique dans son histoire parce qu'elles représentent un élément essentiel de son âme collective. Ce livre n'est donc qu'une première et humble gerbe cueillie dans une ample moisson. Noël 1891, Édouard Churet.